ténèbres, kessilnek funèbre. Rappeur en herbe, quel année macabre. Combien de stars sont morts, cadavres. On décompte les décombres, même les riches connus tombent de haut. Tombeau fatal, pierre tombale, trop de morts, pas normal. Chose se passe, impasse. Tupac mort par balle dans une BM par balle, pas normal. Pourquoi le partenaire a tombé, succombé sous les balles? Pourquoi? Quelle heure a tiré les balles? Mystère et guerre d'hommes, je m'ennuie d'amis partis. Et la marche ralentit pas d'un pas, ça fait partie du karma. Demande à Puff, Daddy et Biggie. Mon money, mon problem. Plus d'argent, plus problème. Dilemme, je sais pas. Mais regarde devant et derrière toi quand tu fais un pas en avant. La mort peut te prendre à chaque instant, instant content. Chaque moment que tu vis, sois content. Chaque repas, sois content. Chaque enfant, sois content. Chaque ami, sois content. Chaque dollar, sois content. Ashes for ashes, dust to dust. Cendré pour cendré, évite Babylone et les boss. Ashes for ashes, dust to dust. Rest in peace, cause in God I trust. Ashes for ashes, dust to dust. Rest in peace, cause in God I trust. Ashes for ashes, dust to dust. Rest in peace, cause in God I trust. Y'en a qui osent dire que c'est par hasard que le monde die. Mère Teresa, Marie, Soleil, tout gars, Lady die. Les trois en un an, trois qui aidaient les gens, les enfants, par hasard, hein? Quel hasard. L'an 2000 approche, sens-tu la fin du monde ou le début d'un monde? Chant que beaucoup choses changent. Y'a des tueurs qui vivent vieux et des bébés qui c'est dur de parler de la réalité. Qu'est-ce qu'en est bien né? À ceux qui ont tenté de me boycotter, Casey RMNOP, l'armée de la réalité. Toujours au top de l'actualité. Rest in peace, Anthony Griffin, Marcellus François, Max Clifford, Anoudé et Malik Ousekin. On dirait que c'est in de mourir, rien change. Mozart, Einstein et Beethoven, vivant et rien, morts sont devenus plus que bien. La référence, relance le débat, dégâts, j'en cause, j'ose, remets des faits en cause. Bob Marley est mort du cancer du pied, parce qu'il refusait de se faire amputer, bizarre. Que ce soit arrivé après la rencontre avec le pape qui lui avait été fortement recommandé d'annuler. Lady Di, mort d'un accident d'auto enceinte, non mari d'un riche héritier arabe. Le garde du corps se souvient de rien. Conducteur était sous à 180 sous le pont de l'Alma. Je doute fort, très fortement, certaines informations données contrôlées à la population. John F. Kennedy, Martin Luther King, Malcolm, tous les grands hommes, Baraka Firascom, Weston. Ashes for ashes, dust to dust, rest in peace, cause in God I trust. Ashes for ashes, dust to dust, rest in peace, cause in God I trust. Y'en a pas un autre qui ose, ils font tous la prose. Mais j'ose défier tous les autres. Ce ne sont que des rappeurs, des bandes dessinées. J'te guerrier, un poète nomade sans peur. La référence, le tueur. J'ai tellement parlé du système de problèmes que le système m'a mis des charges de... Qui arrive même pas à me ralentir. Mon esprit tire, mes amis étirent. Mon doigt mire, saphir de l'avenir. Roi de l'espace, que se passe-t-il? Pourquoi les bons meurent et les méchants s'en tirent? Si on veut s'en sortir, faut se mettre à tirer la mémire. Apprendre à plus se mentir. Tuer la jalousie, l'envie, la traîtrerie. Se rapprocher de la confrérie. De Dieu le Tout-Puissant, puissance. J'en veux à personne aujourd'hui, je me sens puissant. Merci à mes amis qui sont là pour moi. Des alliés, guerriers, qui savent se placer sur l'échiquier, le damier de la vie déséquilibrée. Qui veut tester ma foi, la foi des Young Lions. Parfois je pense que le destin est tracé dans l'espace. Donc suis ta place, change pas de casse et tout sera classe. Marche funèbre, si SVKC encore célèbre. Merci à Dieu, la plus brillante des lunes. Au plus ensoleillé des soleils, à la plus ensablée des dunes. Ashes for ashes, dust to dust. Rest in peace, cause in God I trust. Ashes for ashes, dust to dust. Rest in peace, cause in God I trust.